Matthée, AKNA. Acte de Matthieu AKNA, Mal en 1871. À partir du rivage, entre la vallée de Gérasa et Bethsaïde Gilead, Jésus prit à droite en suivant le bord du lac, de sorte qu'ils passèrent devant la maison de Matthieu, qui était à distance. Le chemin avait un embranchement qui aboutissait au comptoir de Matthieu. Quand Jésus se dirigea de ce côté, des disciples s'arrêtèrent, n'osant aller plus loin. Devant la maison, des serviteurs et des publicains étaient occupés à examiner diverses marchandises. Quand Jésus et les disciples vinrent vers lui, la honte prit Matthieu, il rentra dans sa cabane. Jésus s'approcha et l'appela de l'autre côté du chemin. Matthieu sortit plein d'empressement. Il se prosterna face, contre terre devant Jésus, et dit qu'il ne s'était pas cru digne que Jésus lui parlât. Le Seigneur lui dit, « Lève-toi Matthieu et suis-moi. » Matthieu se leva et dit qu'il allait tout quitter avec joie pour le suivre. Il alla avec Jésus jusqu'à l'endroit où les disciples s'étaient arrêtés. Ceux-ci le saluèrent et lui tendirent la main. Thaddée, Simon et Jacques le mineur étaient joyeux, car ils étaient ses frères par le père Alphée, qui avait eu Matthieu d'une première femme avant son mariage avec Marie de Cléophas. Il leur offrit à tous l'hospitalité, mais Jésus dit qu'ils prendraient leur repas chez lui le lendemain et ils allèrent plus loin. Alors Matthieu revint en hâte à sa maison, qui était à un quart de lieue du lac dans un enfoncement du coteau. Matthieu chargea aussitôt un homme de l'embarcation de Pierre de faire son office à sa place jusqu'à nouvel ordre. Il était marié et avait 4 enfants. Il raconta tout à sa femme ce qui lui arriva d'heureux et lui dit qu'il voulait tout quitter et se mettre à la suite de Jésus, ce qui la réjouit beaucoup. Puis il ordonna de préparer le repas pour le lendemain et s'occupa lui-même de donner des ordres et faire des invitations à cet effet. Auparavant Lévi, il reçut le nom de Matthieu. Il était à peu près de l'âge de Pierre, c'était un homme fortement constitué, la barbe et les cheveux noirs. Depuis qu'il avait fait connaissance avec Jésus sur le chemin de Sidon, il avait reçu le baptême de Jean et réglé sa vie de manière la plus consciencieuse. Fin de la vision d'Emorique. Cela arriva quand Céphas et André revenaient de Syrie après avoir enseigné la vérité au peuple et les avoir instruits de la foi. Ils marchaient sur la route lorsqu'ils rencontrèrent Matthée, qui se joint à eux en union d'esprit. D'où venez-vous ? Leur dit Matthée. Du pays de Syrie, dirent-ils. Je reviens du pays de réjouissance, dit Matthée. Ils se rapportèrent, l'un à l'autre, les épreuves auxquelles ils avaient fait face, et Matthée leur dit. Dans la ville où je suis allé, le Seigneur y demeura-t-il avec les gens et conversera-t-il avec eux en tout temps ? Leur enseignera-t-il ses commandements au siège de son Église ? Je suis allé dans leur ville pour leur annoncer et apporter de bonnes nouvelles en son nom, mais ils m'ont dit. Nous connaissons aussi son nom. Attends jusqu'à demain et tu verras celui qui nous enseigne. Le lendemain, notre Seigneur vint, assis sur une nuée brillante. Quand je le vis, je me réjouis grandement en esprit. J'ai pleuré et dit. Donnez gloire au roi de gloire. Nous sommes restés 3 jours pour bénir l'Église. Et à la fin du 3e jour, il nous a bénis et remonta aux cieux en gloire. Comment avez-vous été digne de ce grand honneur que le Seigneur vienne parler avec vous ? Leur demandai-je. N'as-tu pas entendu les bonnes nouvelles des 9 demi-ordres que Dieu apporta sur la terre ? Me répondirent-ils. À la mi-journée environ Gabriel l'ange de Dieu vint vers nous, et avec lui 144 000 enfants qui ont été tués et qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans le monde, disant « Alléluia ! Et nous aussi avec eux ? Nous ne voulons ni or, ni argent dans notre terre, ni manger de chair, ni boire de vin. Nous mangeons du miel et buvons de la rosée. Nous ne regardons pas nos femmes pour pécher de convoitise. Nous présentons tous nos premiers-nés en offrande au Seigneur au service à son Saint-Temple pendant 3 ans. Nous ne buvons pas l'eau qui vient des sources, mais des feuilles des arbres qui poussent dans les jardins. Nous ne portons pas de vêtements faits par l'homme. Il n'y a aucun mot mensonger qui s'entend sur notre terre. Aucun homme ne marie deux femmes. Le fils ne meurt pas avant son père. Les jeunes ne parlent pas avant les anciens. Nos femmes demeurent avec nous, elles ne nous souillent pas, ni nous non plus. Quand le vent souffle, nous respirons le parfum des jardins. Sur notre terre n'est ni été, ni hiver, ni froid, ni gel, mais plutôt un souffle de vie. Après avoir entendu cela de leur part, je souhaitais demeurer avec eux, car mes oreilles ne se fatiguaient pas d'entendre leur voix. Céphas et André bénirent Dieu pour leur révéler le lieu où ils iraient. Le Seigneur apparut au milieu d'eux et dit : Paix à vous mes saints envoyés, que mon Père a choisi de la race entière de l'humanité. Fortifiez-vous et croyez, car je suis avec vous en toutes circonstances. Je ne suis pas loin de vous dans tout endroit que vous irez. Les apôtres lui firent dévotion jusqu'à terre. Nous bénissons ton saint nom, ô Seigneur. Ordonne pour nous dire où nous devons aller. Tu as eu l'ordre d'aller dans la ville de Rome, dit-il à Céphas. Toi, André, au pays d'Orient. Et Matthée, dans la ville de Cana. Je ne sais pas où est Cana, car je ne suis jamais allé dans cette ville, dit Matthée au Seigneur. Tu es encore peu de foi. Va sur cette route qui t'amènera à une autre route. Prends l'une d'elles qui t'amènera dans ce pays, lui dit le Seigneur. Alors qu'il disait cela, une nuée porta Céphas et André qui amena chacun d'eux aux endroits où le Seigneur leur avait dit d'annoncer. Matthée marcha un peu et se mit à prier, disant : Ô Père de notre Seigneur, qui parla à Abraham, qui opéra la naissance d'Isaac, qui porta témoignage à Jacob, qui donna grâce à Joseph, et la loi à Moïse, qui t'est occupé de ton peuple dans le désert pendant 40 ans, le couvrant d'un nuage dans le jour et d'une colonne de lumière dans la nuit, toi qui as détruit leurs adversaires, qui les sortis de la mer rouge pour hériter une terre que tu as juré à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Sois mon guide sur cette route. Dans la même heure, une nuée vint prendre Matthée pour l'amener dans la ville de Cana. Quand il vit la ville, il se réjouit et souhaita y aller. Un jeune berger de moutons apparut devant lui, et il lui dit : Où conduit cette route ? C'est une route où tu ne peux marcher dans ces vêtements sales, car ils ne sont pas comme ceux des hommes de notre ville, dit le jeune, car tes vêtements sont sales. Si tu veux entrer, enlève les messes de Cana. Rase tes cheveux et ta barbe, s'intéresse et prends une branche de palmier pour en faire des souliers à tes pieds. Alors tes vêtements seront comme les hommes de Cana et tu pourras entrer dans la ville. Matthée s'affligea dans son cœur et revint sur la route d'où il était venu. Ce jeune homme était notre Seigneur. Comme Matthée retournait, il le suivit un peu, puis étendit sa main pour le saisir et retourner, lui disant : Où vas-tu ? Comment me connais-tu ? Qui t'a dit mon nom ? Lui dit Matthée. Je te connais Matthée, lui dit le jeune homme. Retourne et va dans la ville. Je suis ton Seigneur Jésus. Fais ce que je te commande et ne laisse pas ton cœur se troubler. Mais si tu ne fais pas comme je te dis, tu ne peux entrer dans la ville. Matthée fit comme le Seigneur l'avait instruit et se fortifia en présence du Seigneur, qui l'amena jusqu'aux portes de la ville et lui dit : Sois fort et endurant, Matthée. De grandes difficultés viendront sur toi par le roi de cette ville, qui te jettera en prison, puis te brûlera par le feu. Sois bon et sans peur, car le roi croira en moi et se convertira ainsi que tous les habitants de cette ville. Le feu qu'ils veulent allumer pour te brûler s'enflammera pour consumer leur idole Apollon. Toi de ton côté, endure avec patience et confie-toi dans mon nom, car je t'écouterai et je serai avec toi en toutes circonstances. Je ne serai jamais loin de toi puisqu'aucun de tes frères apôtres n'est avec toi dans tout endroit que tu seras. Ayant dit cela à Matthée, le Seigneur monta au ciel avec gloire. Matthée s'avança pour entrer dans la ville. Il s'enquit auprès des habitants, disant : Où est le temple ? De quel pays es-tu ? Lui dirent-ils. Je suis un négociant venu d'Égypte, leur dit-il. Pourquoi es-tu venu? Que cherches-tu? Je suis venu pour voir l'enseignement de votre idole, leur dit-il. Notre idole ne nous enseigne pas, nous n'avons jamais entendu sa voix. Même quand nous apportons des offrandes, nous ne savons pas ce que lui disent ceux qui prennent les offrandes de nous, lui dirent-ils. N'êtes-vous pas des prêtres du temple? Leur dit-il. Non, nous ne sommes pas les grands hommes de Caïna, répondirent les hommes. Ton idole aime les riches et déteste les pauvres. C'est une mesure de poids injuste. J'aimerais parler à votre idole pour demander pourquoi il aime les riches et déteste les pauvres, dit Matthée, car si tous sont ses servants, il se doit de les aimer tous pareillement. Les hommes se dirent entre eux. Allons avec lui pour l'amener au temple, nous dirons au prêtre, voici un homme venu d'Égypte. Viens et parle-lui. Quand Matthée vit le prêtre armé, il le salua d'un accueil spirituel, souhaitant qu'il soit sauvé. La grâce de Dieu descendit sur lui à la salutation de Matthée. D'où es-tu? De quel pays viens-tu, Seigneur? Lui dit Matthée. Je suis prêtre de Dieu, d'une bonne tribu, dit-il. Matthée se réjouit parce que la grâce de Dieu était descendue sur Armi. Je voudrais savoir comment tu as trouvé la route qui conduit à cette ville, dit-il à l'apôtre. Mon Dieu m'a emmené ici, dit Matthée. Où est-il? Il m'a pris la main et m'a amené aux portes de la ville. Je souhaiterais que tu me montres ton Dieu. Si tu crois en lui et gardes ses lois, et que tu croiras à tout ce que je te dirai, alors tu sauras en toi-même qu'il est vrai, et mon Dieu parlera alors avec toi. Il ne se manifeste pas aux hommes impurs et souillés mais seulement aux purs. Où est ton Dieu? Mon Dieu est dans mon pays. Où est ton pays? Mon pays est saint, toutes ses routes sont saintes. Mon pays est une terre de lumière, personne n'y meurt. L'ombre de la mort n'y est pas. Tout est lumière, car mon Dieu illumine tous ceux qui habitent là pour qui n'est pas mort. Mon pays est rempli de parfums odoriférants et de nombreux palais entre les justes, et de beaux trônes. Dans mon pays tous sont justes. Personne n'aime le péché, tous sont libres, personne n'est esclave. Mon Dieu qui est miséricordieux et patient donne des richesses aux pauvres. Dans mon pays tous sont dans l'abondance, personne ne manque de rien. Dans mon pays tous sont ensemble en harmonie, personne n'est malfaisant. Dans mon pays tous sont humbles, il n'y a ni péché, ni violence, ni chagrin. Dans mon pays il y a des sons heureux et joyeux seulement. J'aimerais aller dans ton pays, dit-il. Mon pays et mon Dieu souhaitent te voir si tu reçois la vérité et les mystères des saints. La nuit commençait à se faire, à midi. Attends-moi, car je vais allumer la lampe de l'idole avant que nous allions souper. Vas-tu allumer une lampe pour ton idole? Non seulement sa lampe. Je le lave, l'arrange pour qu'il soit présentable, et je l'amène d'une place à l'autre, répondit-il. Mon Dieu qui me donne la lumière à tous ceux qui le suivent, et des vêtements de lumière à ceux qui le craignent. J'irai avec toi dans ta ville. Tu n'as pas besoin de venir dans ma ville. Mon Dieu vient près de moi quand je l'appelle, et il m'éclaire de sa lumière. J'aimerais vraiment voir cette merveille. Matthée leva aussitôt les yeux au ciel et dit. Je te prie mon Seigneur et Dieu, toi le roi des rois, la robe des saints, la grâce des justes dans le monde entier. Lumière des aveugles, lampe qui ne s'éteint pas, lumière que les ombres n'approchent, hache qui tranche les arbres sans fruits, feu qui consume les idoles fabriquées par les hommes, arbre de vie, source de joie des fils de l'homme. Mon Seigneur et mon Dieu en Jésus-Christ, que ta miséricorde s'illumine sur nous. Une grande lumière a apparu avant que Matthée n'ait fini sa prière. Une grande clameur s'éleva de la ville en raison de cette grande lumière. Armi vit l'idole tombée en avant. La terre trembla et l'idole se brisa en pièces, avec tout ce qu'il y avait dans le temple. Il ne resta rien qui ne fût brisé dans le tremblement. Matthée releva Hermie et dit : Vois comme tes dieux ne peuvent se sauver eux-mêmes. Encore moins peuvent-ils sauver les autres. Hermie vint où se tenait l'idole. La trouvant tout en pièces, et il la foula aux pieds, disant : Comme tu ne peux te sauver, idole, comment sauverais-tu les autres ? Le roi du ciel et de la terre, que tu as appelé au nom de Jésus est bon. Sortons d'ici. Hermie sortit et offrit à Matthée de venir manger à son logis. Matthée répondit : Qu'y a-t-il là à manger pour nous ? Demande à l'idole qu'elle nous prépare quelque chose à manger. Elle ne l'a pas fait dans sa gloire, comment pourrait-elle se remettre debout et faire ça maintenant qu'elle est brisée ? Mon Dieu peut nous donner de la nourriture à manger. Je crois à tout ce que tu m'as dit à cause de la lumière venue sur moi. Et aujourd'hui je te demande aussi, j'aimerais voir ce qu'il nous donnera à manger. Je vais t'emmener ce que tu as demandé de moi. Matthée étendit ses mains pour prier. Ô Seigneur, Dieu des pécheurs repentis qui se convertissent pour faire ta volonté, qui unit harmonieusement l'âme et le corps. Parole venue du ciel, parole exaltée au-dessus de tous, guide et maître des esprits, que tu envoies vers nous, manne tombée au désert, que les enfants d'Israël ont mangé avec joie, manne qui donne vie à l'âme et au corps qui s'en nourrissent. Mon Seigneur, toi qui m'as choisi pour cette mission, envoie-moi ta bénédiction éternelle. Vint alors devant eux une table brillante, sur laquelle était un pain. Matthée dit à Hermie : Tu pourras manger de ce pain, qu'après avoir été baptisé, alors tu pourras recevoir les mystères des saints. Prépare-moi vite à les recevoir, répondit Hermie. Il lui donna les paroles de vie, lui enseigna la vérité de la connaissance, et il le baptisa au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Puis il lui donna le pain des saints. Hermie fut en lui-même en une grande joie. Ensuite Matthée alla où le peuple se trouvait et leur parla de la doctrine et les baptisa. Le lendemain, quand le roi vint au temple, trouvant les portes fermées, il ordonna qu'on fasse venir le prêtre Hermie. Il était au milieu des gardes quand le roi lui dit : Pour quelle raison as-tu d'avoir détruit le temple et fermé les portes ? Si l'idole ne peut se sauver elle-même, comment pourrait-elle sauver les autres ? Répondit-il au roi. Par qui dis-tu qu'elle ne peut se sauver elle-même ? Dit le roi. En vérité, personne ne peut sauver, sauf Jésus, le Fils de Dieu, qui sauve nos âmes, ressuscite les morts, glorifie les justes, enlève du chemin toute malédiction et mauvais sort ennemi, car c'est lui qui met Satan sous ses pieds. Dit Hermie. D'où connais-tu ce nom de Jésus ? Dit le roi. Je l'ai entendu de son disciple Matthée, qui m'a enseigné la connaissance de celui qui fait briller sa lumière sur moi et sur tous ceux qui habitent dans ma maison, dit-il au roi. Dans sa colère, le roi ordonna qu'on attache des cordes aux pieds de Matthée et d'Hermie. Ils furent traînés dans la ville jusqu'à ce que tous leurs membres se rompent. Leur sang s'écoula sur la route et leur chair se détachait, car on les battait avec des branches. Puis il les mit mettre en prison. Il trouva tout en pièces dans le temple et déchira ses vêtements en criant fortement, ainsi que tous ceux avec lui. Il ordonna d'amener Matthée et Hermie et les faire brûler. Dans la même heure, il y eut un grand tremblement de terre et toutes les idoles tombèrent de leur niche. Le peuple cria : Il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu éternel et son Fils. La ville se divisa en deux parts. Une part pour Jésus, une part pour l'idole. Et certains disaient : Apportez les sorciers pour les brûler, tandis que les gens qui croyaient en Jésus dirent : Nous ne vous les donnerons pas. Le roi ordonna d'apporter une grande quantité de bois et d'y mettre le feu pour brûler Matthée et Hermie. Ceux qui étaient avec le Seigneur apportèrent leurs outils de labour pour délivrer Matthée et Hermie, disant : C'est injuste. Nous ne laisserons pas brûler les servants de Dieu. Pourquoi reniez-vous l'idole ? Leur dit le roi. Elle ne peut se sauver elle-même, ni aucune des idoles qui étaient dans leur niche et qui sont toutes brisées. Comment peut-elle sauver les autres ? Répondirent-ils. Le roi ordonna de laisser brûler les disciples pendant une heure. Et parce que les hommes pour Christ s'agitaient envers les hommes pour l'idole, Matthée dit d'une voix forte. Frères, vous attisez la colère de Dieu sur vous à contenter ces hommes. Au même moment, un messager de la maison du roi arriva pour annoncer au roi que son fils unique venait de décéder. Il partit avec hâte à son palais. Ceux à qui Matthée avait enseigné les commandements et qui croyaient en Christ, au nombre de 44 âmes, se levèrent pour détacher l'apôtre qui leur dit « Venez voir un nouveau miracle et que votre foi soit complète. » Quand Matthée arriva au palais du roi, il lui dit « Je vois que ton cœur brisé à cause de la mort de ton fils. Appelle l'idole pour qu'elle fasse revenir ton fils en vie. Lequel des dieux a pouvoir sur les morts ? Mon Dieu ressuscitera ton fils si tu crois en son fils Jésus. Si je vois ce miracle, que ton Dieu relève mon fils en vie, je fais le serment de ne plus vénérer l'idole, dit le roi. Matthée fut affermi par la force du Saint-Esprit. Il leva ses yeux au ciel et étendit ses mains et pria. Je te loue en tout temps, mon Seigneur, vie infinie, qui a fait ta demeure au-dessus des dignités. Nous te louons parce que tu n'as pas hésité à mourir pour les pécheurs, pour que nous prenions part à la vérité avec toi. Merci à toi, le seul qui ressuscite les morts. Je te prie, Père Tout-Puissant de notre Seigneur Jésus, d'envoyer ta puissance des hauteurs pour rompre le lien de la mort, écraser ses pouvoirs, rabaisser les gardiens des portes du Shéol et briser la tête du serpent. Mon Seigneur, étends ta main d'en haut pour ressusciter ce jeune et que le roi et tous les hommes de la ville croient en toi. Il alla ensuite où le jeune était étendu, il lui prit la main et dit « Lève-toi jeune homme dans le nom vivant de Jésus. » Il s'avança aussitôt et embrassa les pieds de Matthée en disant « Je te prie au servant du Seigneur, baptise-moi et fais-moi participant des mystères des saints, sinon renvoie-moi au tombeau. » Le roi eut la foi en voyant ce miracle des mains de Matthée. Il ordonna à tous les hommes de la ville d'être baptisés par les mains de l'apôtre Matthée. Il y eut de grandes joies dans cette ville. Le roi brûla le temple dans le feu allumé pour consumer Matthée. Le brasier ne cessa pas jusqu'à ce que le temple fût en cendres. Par l'intermédiaire de Matthée, les habitants crurent en notre Seigneur. Notre Seigneur leur apparut disant à Matthée « Sois fortifié en voulant le bien. Rappelle-toi les paroles que je t'ai dites et n'aie pas peur. Patiente sans crainte, car j'ai dans cette ville des âmes élues qui croiront en moi à travers toi. » Ainsi même Seigneur. Il dit aussi à Hermie et Matthée. Baptisez les gens pour qu'ils soient purs. Après qu'il eut fini de les instruire, notre Seigneur monta au ciel en grande gloire, et tous le virent. Le roi et tous les hommes de la ville construisirent une église à l'endroit du temple. Matthée la dédia, il plaça Hermie pour le service avec d'autres. Il leur donna l'évangile et continua avec eux jusqu'à ce que leur foi soit forte. En sortant de la ville, il tourna son visage vers eux et leur dit : « Paix et grâce de Dieu à toujours avec vous. »